إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue avec notre dars de Durus min al-Qur'an al-Karim du Cheikh Salih al-Fawzan. Et la dernière fois qu'on s'est laissé, on a expliqué les paroles de l'imam al-Fawzan, Cheikh al-Fawzan, lorsqu'il parlait du fait qu'on ne peut pas suivre une religion lorsqu'elle a été abrogée. Une fois qu'elle a été abrogée, il faut l'abandonner et puis on doit suivre celle qui est venue l'abroger, c'est-à-dire l'islam. Et là, il va donner un exemple. Il continue en expliquant. Il dit خذ مثلا لذلك كانت الصلاة في أول الإسلام إلى بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يستقبلون بيت المقدس بأمر الله فعلهم هذا إسلام فلما نسخت القبلة وحولت إلى الكعبة صار حكم الإسلام هو التوجه إلى الكعبة فمن بقي متوجها إلى بيت المقدس لم يكن مسلما بعد النسخ قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, il dit, par exemple, on peut voir qu'au début de l'islam, les musulmans ont été ordonnés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans, ont été ordonnés de se tourner vers la Bayt al-Maqdis, en Palestine, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils faisaient la salat. Et le fait qu'ils faisaient ça faisait partie de l'islam. C'était un acte de l'islam, du fait de se tourner vers cette qibla. Par la suite, cette qibla a été abrogée et elle a été changée pour Al-Ka'ba. Les musulmans ont été ordonnés par la suite de se tourner vers la Ka'ba, comme ça a été rapporté par Al-Bara dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est authentique et la qibla a donc été changée. Donc Le nouveau verdict dans l'islam est devenu qu'on doit se tourner vers la Kaaba. D'accord? Donc celui qui reste tourné vers Bayt al-Maqdis après ça, il n'est plus considéré comme étant un musulman après l'abrogation. Et il mentionne un verset dans le Coran, dans Surat al-Baqara, le verset 143, qui dit, et on a fait de la Qibla, on a uniquement changé la Qibla pour voir, on a changé la Qibla sur laquelle tu étais, pour voir lequel d'entre vous suit réellement le messager et qui d'entre vous va tourner et revenir sur ses pas. Se tourner et retourner sur ses pas, donc c'est pour dire, pour déterminer qui est-ce qui suivait réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le suivait pas avec foi et conviction. Donc le cheikh dit فالدين اتباع للرسول وليس هو تعصب للهوى. La religion, c'est de suivre le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a pas rien à voir avec le fait de s'accrocher fanatiquement à nos passions. Hein, parce que c'est ça, c'est la réalité à propos, par exemple, des juifs. Hein, ils suivaient la vérité juste par passion, du sens que, par exemple, ça vient, la vérité qui vient du peuple ou de leur peuple. Mais si la vérité leur vient d'un prophète qui est d'un autre peuple, ils le rejettent, même si c'est la vérité. Donc, ils ne suivent pas la vérité en réalité, mais ils suivent uniquement leur passion. Hein? Donc, il faut se référer à la vérité et accepter la vérité d'où elle vient, peu importe qu'elle soit de notre peuple ou d'un autre peuple, tant que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme le cheikh explique, c'est le fait de suivre ses passions qui dévie beaucoup de personnes du droit chemin. Après le cheikh, il dit, ولهذا لما نسخت القبلة كان أناس يصلون العصر إلى بيت المقدس على الأصل فجاءهم مخبر فأخبرهم أن القبلة تحولت إلى الكعبة المشرفة فاستداروا وهم في الصلاة. C'est pour ça qu'on voit l'exemple des Sahaba, comment ils ont appliqué les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment ils se sont soumis à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'ordre est descendu. Lorsque, par exemple, les gens priaient, lorsque la Qibla a été changée, il y en a encore des gens qui priaient la prière de Asr vers Baytul Maqdis, selon comme c'était à la base, comme c'était à l'origine. Mais, pendant qu'ils étaient en train de prier, quelqu'un est venu les informer que la Qibla a été changée et qu'ils devaient maintenant prier vers la Kaaba. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En pleine prière, ils se sont tournés et se sont dirigés vers la Kaaba pour respecter et se soumettre à l'ordre qui avait été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Et ça c'est rapporté selon Ibn Omar, et c'est un hadith muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Donc ça c'est authentique également. Donc on voit comment l'exemple des Sahaba, lorsque un ordre leur venait, ils se soumettaient tout de suite et ils ont implémenté les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ أَوَّلُ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَآخِرِ الصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ. Donc au début on priait vers Bayt al-Maqdis, quand on faisait la salat, et ensuite la salat a été changée et on devait prier vers Al-Ka'bah. لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس وبناء على الأصل حيث لم يبلغهم خبر تغيير القبلة ولما بلغهم الخبر انقادوا وتحولوا إلى الكعبة وهم في الصلاة ولو استمروا بعد الخبر إلى بيت المقدس بطلت صلاتهم وهذا هو الاستسلام والانقياد لله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, au début de leur prière, ils priaient vers Al-Bayt al-Maqdis et à la fin, ils priaient vers la Kaaba. Pourquoi? Parce qu'au début de la salat, ils se basaient sur la règle de base qu'on priait vers Bayt al-Maqdis. Mais lorsque l'ordre leur est venu de se tourner vers une nouvelle Qibla, alors ils se sont soumis et ils ont changé vers la Kaaba alors qu'ils étaient durant la prière. Et le cheikh il dit que s'ils avaient continué à prier encore vers la Bayt al-Maqdis après avoir reçu l'information, leur prière n'aurait pas été valable parce que l'ordre est venu alors qu'une fois qu'ils l'ont entendu, ils devaient la respecter. Et le cheikh dit que c'est ça la soumission, et c'est ça le fait de se soumettre dans notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit, فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَشْرَعُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِعِبَادِهِ تَبْعًا لِحِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَلَيْهِمُ الْإِمْتِثَالِ لِأَنَّ السَّعَادَةَ كُلَّ السَّعَادَةِ فِي اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. Donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré à toute époque et à tout moment, pour tout instant et pour tout moment, ce qui impliquait le plus grand bienfait pour ses serviteurs, tout par rapport à ce qui correspond à sa grande sagesse infinie. hein, la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les serviteurs doivent uniquement mettre en application les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout le bonheur, le bonheur en réalité, est uniquement dans le fait de suivre ce que Allah a commandé et a ordonné. Et c'est là qu'est le vrai bonheur. Tout autre bonheur qui est en dehors du fait de se soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala est une illusion. Il n'y a pas réellement un bonheur dans ce fait-là. Par la suite, le cheikh dit: « فَالْمُسْلِمُ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ شَرْعُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا الَّذِي يَتَّبِعُ هَوَاهُ وَيَتَّبِعُ رَغْبَتَهُ فَهَذَا عَبْدٌ لِهَوَاهُ وليس عبدا لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. Donc le cheikh il dit, donc le musulman il doit suivre et tourner là où la charia tourne, c'est-à-dire il doit suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les commandements, et il se soumet à cet ordre là peu importe si l'ordre vient de tourner vers une qibla ou de tourner vers une autre qibla. Eh bien, c'est celle-là qu'on doit suivre. On soumet nos désirs, nos passions et nos opinions et tout ce qu'on a dans, comme par exemple notre raison et toutes ces choses-là, on les soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui suit sa passion et qui suit ses désirs, eh bien, celui-là, il est un esclave de ses désirs et de sa passion. Et il n'est pas un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité, hein, pour son Dieu, il adore sa passion, et Allah est, yani, que Allah l'a égaré avec connaissance, l'a égaré sciemment, dans le sens que la personne avait connaissance de la vérité, et il a préféré se détourner de cette vérité et suivre quelque chose d'autre, de différent, contraire à ce qu'il a su de la vérité. Hein? Donc ça c'est l'exemple de celui qui suit sa passion. هذا هو أصل الإسلام وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به ونسخت الأديان السابقة فالإسلام ناسخ لما قبله فمن بقي على اليهودية أو النصرانية فإنه يكون كافرا لأنه بقي على دين قد نسخ. Donc, le cheikh il dit, voilà la base de l'islam, c'est ça le fondement de l'islam, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la religion de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tous les prophètes. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, a fait susciter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est devenu ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené, a apporté. C'est devenu l'islam. Tout ce qui était connu comme étant l'islam auparavant a été abrogé. Et donc, il ne reste plus d'islam, excepté l'islam qui est apporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit, et toutes les autres religions précédentes ont été abrogées. Et l'islam est venu abroger tout ce qui était auparavant. Donc celui qui reste et qui veut demeurer sur la religion juive ou sur la religion chrétienne, alors il est kafir, car il est demeuré sur une religion qui a été abrogée. وَقَدْ أُمِرَ النَّاسُ جَمِيعًا بِاتِّبَاعِ هَذَا الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَبْقَوْا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ ولا يجوز للنصارى أن يبقوا على النصرانية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. Donc le cheikh il dit, celui qui reste maintenant sur la religion juive comme j'ai dit tout à l'heure ou sur le christianisme, eh bien, il est kafir, car il a suivi une religion qui a été abrogée. Et Allah a ordonné tous les gens de suivre ce messager, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre les règles qu'il a apportées de la charia islamique. Et il n'est pas permis pour un juif de rester sur la religion du judaïsme. Et il n'est pas permis à un chrétien de demeurer chrétien. Et c'est pour ça que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Moïse était toujours vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad. C'est un hadith rapporté selon Jabir ibn Abdullah. Naam. Donc, le cheikh il dit, لِأَنَّ اللَّهَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الرَّسُلِ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا إِذَا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُمْ أَحَدٌ مَوْجُودٌ أَنْ يَتَّبِعَهُ. قال تعالى, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قال أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. قَالُوا أَقْرَرْنَا. قال فاشهدوا فأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'entente et le pacte pour de tous les messagers, hein, et de tous les prophètes, que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était suscité et qu'il était envoyé alors qu'un d'entre eux était présent, qu'il devait le suivre, c'est-à-dire qu'il devait suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne un verset qui est dans Surat Al-Imran, du verset 81 à 83, qui prouve ça. Il dit, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris le serment ou le pacte des prophètes, hein, que lorsque on vous envoie un livre ou une sagesse au sujet de qu'est-ce qu'on vous a donné de livre et de sagesse, et puis que par la suite, un messager vous vient qui confirme ce qui est avec vous, que vous allez y croire et que vous allez le supporter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce que vous témoignez et vous confirmez ça et vous attestez de ça? Et est-ce que vous prenez cette entente et ce pacte avec moi? Et ils ont dit, oui, nous témoignons, nous attestons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alors témoignez que je suis avec vous parmi les témoins. Et celui qui après ça se détourne, alors ceux-là sont parmi les désobéissants et les transgresseurs. Est-ce que je chercherai une autre religion, ou est-ce que c'est une autre religion que la religion d'Allah qu'il recherche, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre s'est soumis à lui, volontairement ou involontairement, et c'est vers lui qu'ils seront tous renvoyés et retournés. Donc ça, c'est un verset clair qui montre que yani, les messagers ont donné leur témoignage et ils ont affirmé et attesté que si le messager leur vient et qu'il confirme ce qui est venu auparavant, ils allaient le suivre. Donc ça, c'est clair. Par la suite, le cheikh dit, « وَلِذَلِكَ إِذَا نَزَلَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison là que lorsque Isa alayhi salam va revenir, eh ben il va venir avant la fin des temps, eh ben il va suivre le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et il va juger selon la charia de l'islam. وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على جميع الثقلين الإنس والجن اتباعه إلى أن تقوم الساعة. فمن بقي على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا وإن كان الدين الذي عليه مشروعا في الأصل, لأنه قد نسخ وأمر الناس باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. Donc, le cheikh, il dit, une fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé, il est obligatoire à tous les deux mondes, yani le monde des djinns et le monde des êtres humains, de le suivre jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et celui qui reste sur une autre religion que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après ça, alors il est kafir, même si la religion qu'il suivait auparavant a déjà été acceptée, ou si, même si auparavant il était légal, mais une fois qu'elle a été abrogée, tous les hommes ont été ordonnés et commandés de suivre ce messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne un verset dans la surat Al-A'raf, le verset 157 qui dit, « Dis, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous, celui, c'est-à-dire Allah, celui qui est le maître et le roi des cieux et de la terre, celui qui détient les cieux et la terre. » كتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الدنيا يدعوهم إلى الإسلام فكتب إلى كسرى وكتب إلى قيصر وغيرهم وكان يقول لأحدهم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك الإثم أو فإنما عليك إثم الأريسيين. Naam. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il écrivait au roi et que lorsqu'il leur envoyait des livres, les rois qui étaient rois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il les appelait à l'islam et il leur envoyait des lettres, il leur envoyait des messagers avec des lettres pour les appeler à l'islam. Donc il a envoyé des lettres à Kisra, qui était l'empereur de la Perse à cette époque, et il a envoyé à Qaisar également, qui était l'empereur le roi de la Rome à l'époque, et à beaucoup d'autres comme An-Najashi et à d'autres, Wallahu A'lam. Donc le cheikh il mentionne que ça s'est rapporté dans un hadith selon Anas dans Sahih Muslim, Kitab al-Jihad. Donc ça c'est un hadith authentique également. Il dit وَكَانَ يَقُولُ لِأَحَدِهِمْ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivait dans ses lettres lorsqu'il écrivait à un d'entre eux, accepte l'islam et tu seras en paix, hein, tu seras sauvé ou épargné, et Allah te donnera deux fois ta récompense, une double récompense, mais si tu t'en détournes, sache que tu auras un châtiment, que tu auras un châtiment ou le péché. Donc c'est ça, et Aslim Taslam, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Il disait Aslim Taslam, accepte l'islam et tu vas être en paix, tu vas être épargné. Et ça c'est rapporté dans un hadith selon Abu Sufyan, qui est Muttafaq alayhi, rapporté par le Bukhari et Muslim. Ça aussi c'est authentique. Et yani اسم الأريسيين الشيخ يعني تتحملون آثام من تبعكم من الفلاحين ومن العامة. C'est-à-dire si vous, quand il dit اسم الأريسيين, si vous vous détournez, vous aurez le péché des Arisiyin. Le cheikh il explique, il dit que c'est-à-dire vous allez devoir porter le péché de tous ceux qui vous ont suivi, comme les paysans et les gens du peuple, yani les gens du peuple. Donc c'est non seulement qu'ils auront à prendre le poids de leur péché à eux, mais également le péché de tous ceux qui les ont suivis dans leur coffre, yani à cause de ça. Et le cheikh il dit par la suite, yani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن به إلا دخل النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. Donc selon l'imam Muslim, il a rapporté un hadith selon Abi Huraira رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad صلى الله عليه وسلم, aucun d'entre cette Ummah n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et puis qui meurt par la suite sans avoir cru en moi, excepté qu'il entrera dans l'enfer. Donc ça, c'est un hadith clair qui montre que quelqu'un ne peut pas juste dire, ça y est, yani, je suis chrétien ou je suis juif, et j'ai entendu parler de l'islam, mais je suis sur le droit chemin quand même, j'accepte pas l'islam et je ne veux pas aller en enfer. Non. Une fois qu'il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a entendu parler de l'islam et qu'il a refusé d'y croire, il sera en enfer s'il meurt dans cet état-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Et ça réfute les idées des gens qui prétendent que les juifs et les chrétiens sont sur la vérité même après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, « وَبِهَذَا يَبْطُلُ هَذَا الْهُرَاءُ » Exactement ce que j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on voit que c'est totalement faux, hein, l'idée que ces gens-là répandent. الذي يطنطنون به الآن بقول من القول بحرية الاعتقاد أو حرية الأديان أو حرية الأديان، فهذا القول كفر والعياذ بالله. فليس هناك إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والنجاة باتباعه ولا نجاة إلا باتباعه. Donc le cheikh il dit, et ça c'est faux, complètement faux, qu'est-ce qu'il prétend, hein? Ceux qui prétendent qu'il y a une liberté de croyance ou une liberté de religion, comme c'est prêché par les droits de l'homme et la liberté religieuse, etc. Le cheikh il dit que c'est pas vrai que tout le monde peut croire ce qu'il veut. C'est pas parce que l'islam a permis aux juifs et aux chrétiens de payer la jizya et de rester sur le christianisme que c'est permis pour eux de rester chrétiens et juifs. C'est une permission qui a été donnée en échange d'une punition monétaire, économique, mais ils sont tout de même ordonnés et commandés de se convertir à l'islam et on doit continuer à leur faire le da'wah et à les appeler à l'islam même s'ils acceptent de payer la jizya. Ça ne veut pas dire qu'ils payent la jizya, on les laisse. Puis on ne leur parle pas de l'islam, hein, comme certains peuvent penser. Mais il y en a qui utilisent le verset qui dit « La ikraha fi din », hein, il n'y a pas de compulsion en religion. Et ils essaient d'appliquer ce verset-là pour dire qu'il n'y a pas de compulsion, donc ça veut dire « Faites pas de da'wah et appelez pas les chrétiens et les juifs à l'islam et dites-leur pas qu'ils sont des koufars et dites-leur pas qu'ils vont aller en enfer s'ils meurent dans leur religion. » Donc ils prennent le verset et ils l'appliquent dans des contextes qui ne s'appliquent même pas au verset. Et également, ils utilisent ce verset-là pour utiliser ça même sur les musulmans, en disant que, par exemple, même si quelqu'un quitte l'islam, ou si, par exemple, quelqu'un insulte Allah, ou insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou insulte la religion après avoir cru en l'islam, ou bien qu'il se moque de quelque chose qui fait partie de l'islam, que, il est libre et il y a une liberté de religion, tout le monde peut faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut, même faire des actes d'apostasie et dire des paroles de kufr et la ikraha fi din ou bien des choses de ce genre. Donc ça c'est un égarement total et ça c'est une déformation du sens du verset, parce que le verset il nous dit qu'on ne doit pas forcer un juif ou un chrétien ou le contraindre à devenir musulman. Mais une fois que quelqu'un a accepté l'islam dans sa toute liberté, hein, et qu'il a dit, moi je crois en l'islam et je témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ben une fois qu'il a témoigné de ça, il ne peut pas venir par la suite et commencer à insulter Allah, insulter l'islam et quitter l'islam comme si c'était un jeu, comme si on pouvait changer de religion comme on change de chemise et commencer à dire, tout ce qui lui passe par la tête au sujet d'Allah et de la religion. Donc il faut comprendre que ce verset-là, ça ne s'applique pas aux musulmans, mais ça s'applique aux kuffars, aux kuffars. Comme le Cheikh Fawzan a expliqué ça dans plusieurs de ses durus, hein, lorsqu'il a expliqué plusieurs des règles de Nawaq et de l'islam, et Al-Wala wa Al-Bara, et beaucoup d'autres aspects de ce genre. Donc le cheikh il dit que cette parole-là, de dire qu'il y a une liberté de croyance, que tout le monde peut croire et faire ce qu'il veut dans l'islam, même si c'est kufr, cette idée-là, c'est une idée de kufr en elle-même. Et quelqu'un qui croit que tout le monde est libre d'avoir l'idée ou la croyance qu'il veut, hein, eh bien, il est kafir également. Bien entendu, ça c'est si il a, si on a établi sur lui la preuve et tout. Bien entendu, il faut qu'il ait la connaissance. Si c'est un ignorant, bien entendu, il faut lui enseigner la vérité et lui expliquer la vérité. Parce que s'il est ignorant, on ne peut pas dire qu'il est kafir. Mais une fois qu'il a été informé, qu'on lui a clarifié les choses qui sont claires de ce genre, les choses de ce genre, alors là, il ne reste plus de doute et on doit yani, pas hésiter à savoir que cette personne-là a quitté l'islam. Et le cheikh dit, فليس هناك إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجاة إلا باتباعه. Il dit, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre choix que de suivre ce messager-là, c'est-à-dire le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et vous ne pouvez pas être sauvé excepté en le suivant. Hein? Et ceux qui disent parmi les chrétiens, par exemple, que Jésus aurait dit, soi-disant, je suis la voie, je suis le chemin, nul ne va au Père que par moi, comme il prétend. Eh bien, ça, c'était à son époque, ceux qui suivaient Isa, à l'époque de Isa. Mais une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien, là, ça vient répondre et ça vient clarifier que maintenant, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. On ne peut plus suivre un autre prophète qui était venu auparavant. Et eux, de toute façon, les chrétiens, même lorsqu'ils prétendent qu'ils suivent Jésus, eh bien, ils ne le suivent pas, parce que si vous regardez comment ils adorent, eh bien, ils font tout le contraire de ce que Isa a enseigné. Isa, lorsqu'il priait, il priait à qui? Il priait à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il avait un problème ou une détresse, à qui il se tournait? Il se tournait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il se prosternait, il invoquait qui? Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel exemple qu'ils suivent, les chrétiens? Est-ce qu'ils suivent l'exemple de Isa? Ou bien ils suivent l'exemple des mouchriquins? Hein? Ils ne suivent pas l'exemple de Isa. S'ils suivaient l'exemple de Isa, ils feraient la même chose que Isa. C'est-à-dire, ils prieraient Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoquerait Allah subhanahu wa ta'ala seulement et personne d'autre en dehors de lui. Hein? Donc, il ne suit pas l'exemple des prophètes. Si on regarde Ibrahim, si on regarde Moussa, Isa, Nour, tous les autres messagers, lorsqu'ils invoquaient, est-ce qu'ils invoquaient Isa? Est-ce qu'ils invoquaient un autre messager, un autre prophète ou un saint? Jamais. Donc, on voit comment ces gens-là prétendent de suivre le prophète Isa alors qu'ils sont loin de son exemple. Après le cheikh il dit وكذلك ما يلفقونه من الحوار والتقارب بين الأديان هذا كلام باطل والعياذ بالله كيف يحاور بين دين باطل منسوخ ودين حق وهو دين الإسلام. Le cheikh il dit également les choses la chose au sujet duquel il ne cesse de parler, comme le fait du dialogue entre les religions et du rapprochement entre les religions. Il dit ça, c'est une parole totalement fausse, que Allah nous en protège. Il dit, comment on pourrait dialoguer entre la religion du mensonge qui est abrogée et la religion de la vérité qui est la religion de l'islam? يحاور بين الكفر والإسلام أو يسوى بين الكفر والإسلام ويقال هذه أديان سماوية. نعم كانت في الأصل سماوية ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تحول الأمر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, comment on pourrait faire un dialogue entre le kufr et l'islam, et comment on pourrait essayer de faire une égalité ou de faire une comparaison entre le kufr et l'islam, et de dire par exemple ce sont des religions célestes ou que ce sont des religions qui sont venues du ciel? Le cheikh dit oui, à la base elles étaient venues du ciel, toutefois après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a été transformée en quelque chose, hein, et en estadé que maintenant après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre, le commandement a été changé et on doit maintenant suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc c'est ça, les sortes de dialogues là qu'ils font là, comme Yusuf al-Qardawi et Hassan al-Turabi et d'autres encore, Tariq Souaydan et d'autres, qui s'assoient avec des catholiques ou avec d'autres, des juifs ou d'autres religions, et qui veulent faire des soi-disant des rapprochements. Hein? Ils disent, on oublie qu'est-ce qui nous divise et on va se concentrer sur qu'est-ce qui nous unit. Ajib, subhanallah, qu'est-ce qui nous unit entre le kufr et l'islam? Hein? A'ouzou billah. Donc ça, c'est une forme d'égarement de la part de ces gens-là, comme le cheikh il explique. Et il peut pas y avoir aucun rapprochement ou dialogue dans ce sens-là. Le dialogue qu'il peut y avoir entre nous et eux, c'est de dire à ces gens-là, abandonnez le shirk, abandonnez le kufr, revenez au tawhid, revenez aux enseignements des messagers d'Allah et suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et croyez au Coran et respectez les règlements d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le dialogue qu'on peut avoir avec ces gens-là. Et non pas le dialogue de dire, oh, on vous respecte et on respecte toutes les religions. Comme vous entendez souvent ce dialogue-là, que l'islam respecte toutes les religions. Subhanallah, comme le cheikh Fawzan il dit, on ne respecte pas le mensonge. On ne respecte pas le mensonge. Donc, il n'y a pas de respect pour le mensonge, comme le cheikh il dit. Donc, on les appelle, notre ordre, c'est de les appeler à l'islam. Le cheikh il dit, par la suite, فَمَنْ بَقِيَا عَلَى غَيْرِ أَوْ عَلَى دِينِ غَيْرَ الدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مباح الدم والمال يجب قتاله حتى يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية إن كان من أهل الكتاب أو المجوس صاغرا منقاضا للإسلام. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique très très clairement et dans des mots clairs et directs. Il dit celui qui restait sur une religion autre que ce que le prophète le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté, alors il est kafir, son sang et ses biens sont halal, et il est obligatoire de le combattre jusqu'à ce qu'il revienne à l'islam, jusqu'à ce qu'il entre dans l'islam, ou qu'il paye la jizya, s'il est parmi les gens du livre ou les majus, en s'humiliant lui-même et en se soumettant aux règles islamiques. Ça, c'est l'explication de Cheikh Al-Fawzan, et ça c'est basé sur un verset dans Surat Tawbah, le verset 28 si je ne me trompe pas, qui explique que ces gens-là doivent être traités de cette façon-là. Bien entendu, quand le cheikh il dit ici, les kafirs mubah al-dam wal-mal, il faut bien comprendre le contexte, que ça c'est dans un contexte où il n'y a pas d'entente de paix entre nous et eux, et puis que les musulmans ont déclaré la guerre contre eux, des choses de ce genre. Et lorsque les musulmans sont dans une situation de capacité et de force, et qu'ils sont capables. Tandis qu'actuellement, ça c'est des règles qui ne sont pas appliquées, qu'on ne peut pas appliquer. La preuve, c'est que les chrétiens dans les pays musulmans et les juifs dans les pays musulmans, ils ne payent pas la jizya. Et également, par exemple, le jihad, mais on n'est pas capable de l'appliquer parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires et la force militaire nécessaire pour le faire, comme les ulama l'ont expliqué. Mais lorsqu'on a cette capacité-là, eh bien, c'est obligatoire de faire respecter ces règles. Hein, de faire respecter ces règles-là. Ce n'est pas des règles qui sont oubliées ou qu'on les met de côté ou qu'on les rejette. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les appliquer qu'on les rejette. Non, on les accepte et on y croit et ça fait partie de l'islam. C'est juste que chaque chose en son temps. Hein, et chaque chose selon la sagesse et les règles que l'islam nous a commandé de respecter. Alhamdulillah. Donc, lorsqu'on a la capacité de faire le jihad et d'appliquer les règles de la jizya et toutes ces choses-là, ça devient obligatoire de le faire et c'est quelque chose de bien. Mais lorsqu'on n'est pas capable de le faire et qu'on n'a pas la capacité de les faire respecter, eh bien, c'est obligatoire de rester et de se préparer et d'attendre et d'être patient et de suivre les ulama et d'écouter les ulama et d'obéir aux dirigeants. Et de ne pas se révolter, et de ne pas faire des groupes, et de ne pas se diviser, et de ne pas faire la fitna, et de ne pas appeler à la rébellion, et de pas se mettre dans des situations qui vont amener du mal et du désordre pour la Umma, comme l'effet de qu'est-ce que Al-Qaïda font et les gens de Bin Laden et les autres gens qui sèment le désordre et qui sèment la fitna dans le monde et qui se déclarent eux-mêmes ayant une autorité dans les pays musulmans ou dans le monde alors qu'ils n'ont aucune autorité. Wallahu al-musta'an. Donc le cheikh dit هذا هو الإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو يعني الذي سيبين. Donc le cheikh il dit ça c'est l'islam dans sa signification générale comme on vient de l'expliquer. Maintenant il y a une autre signification qui est plus particulière et c'est l'islam qui a été amené par le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et on va l'expliquer maintenant. C'est ça que le cheikh va commencer à expliquer maintenant. Il dit أركان الإسلام هذا الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينبني على أركان هي دعائمه وكذلك ينبني على قربات وطاعات ومكملة لهذه الأركان فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي فإنه هو الإسلام. Donc, le cheikh dit que l'islam, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Et cet islam, il est basé sur des piliers. Il est basé sur des piliers qui sont ses principes fondamentaux et c'est basé sur, ces piliers-là reposent sur ou bien ils sont basés sur le fait de faire des rapprochements, des œuvres de rapprochement et des œuvres d'obligation qui sont des perfectionnements de ces piliers-là. Donc il y a les cinq piliers, puis il y a d'autres choses qui viennent compléter ces cinq piliers-là. Si on compare ça avec une maison, on pourrait dire que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est la base de la maison. Puis, par la suite, il y a les quatre piliers qu'on connaît, qui sont as-salat, as-zakat, as-sawm, al-hajj. Et par la suite, il y a les autres règles de l'islam qui pourraient être représentées, comme par exemple, les murs, les toits, etc. Donc, les fenêtres, les décorations, tout ça, c'est des choses qui sont là pour compléter et embellir les autres aspects qui complètent la réalité de l'islam. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, que ce soit un ordre ou une interdiction, ça fait partie de l'islam, c'est l'islam. Donc le cheikh dit ولكن هناك اشياء هي دعائم للاسلام واركان له. Donc il y a des choses qui sont pour l'islam des piliers, des principes fondamentaux. بينها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ces règles-là et ces piliers-là dans le hadith de Jibril qui est bien connu. Et lorsque il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit informe-moi ou donne-moi dis-moi qu'est-ce que c'est l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit l'islam c'est que tu témoignes que de la ilaha illallah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la messager d'Allah, c'est-à-dire tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala et que tu témoignes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu établisses la salat et que tu donnes la zakat et que tu jeûnes le jeûne du Ramadan et que tu fasses le hajj si tu es capable de le faire, si tu en as les capacités et les moyens. ففسر الإسلام بهذه الأركان لأن الإسلام يقوم عليها كما يقوم البناء على أركانه وعلى دعائمه وليست هي الإسلام كله وإنما هي دعائمه والإسلام كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. Donc le cheikh il dit que on a expliqué l'islam, a été expliqué par ces piliers là. Et le cheikh il dit que parce que ça c'est parce que l'islam est fondé sur est comme une construction qui et il tient sur ces piliers et ces fondements là. Et ces piliers là sont pas l'islam en entier. C'est seulement les piliers de l'islam. Parce que l'islam en entier, c'est quoi? C'est tout ce qui a été apporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de commandements et d'interdictions. C'est pas l'islam en entier. Tous les piliers et tout ça, ça c'est juste les piliers de l'islam. Tandis que l'islam en entier, c'est quoi? C'est tout ce qui a été ramené par le prophète, par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des commandements ou des interdictions. Et le cheikh, il dit, et la preuve de ça, c'est le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu dans lequel il dit يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والحج وصوم رمضان متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. C'est rapporté par le Bukhari Muslim, selon Ibn Omar, qui dit que l'islam a été construit sur cinq piliers. Le shahada de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et l'établissement de la salah, et de donner la zakah, et de faire le hajj, et de jeûner le mois de Ramadan. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit, « Bouniya, yadullu ala anna hadhihi al-khams, hiya da'aimu » هي الدعائم التي بني عليها وقام عليها. Donc le cheikh il dit que le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم ait utilisé le terme bunya, c'est-à-dire on a construit dessus, ça montre que ces cinq piliers là, c'est les piliers sur lesquels l'islam a été bâti et établi. Après il dit wa hadith ibn Omar هذا مفسر لحديث عمر في قصة جبريل عليه السلام ومبين أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إنما هي أركان الإسلام ومبانيه وهناك شرائع ومكملة لهذه المباني ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من من سلم المسلمون من لسانه ويده. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui a été dit dans le hadith de donc c'est ça le hadith de Ibn Omar radhiyallahu anhu le fils de Omar ibn Khattab celui qui a Omar qui a rapporté le hadith de Jibril et ça c'est son fils qui a rapporté ce hadith de que l'islam a été basé sur cinq ou construit sur cinq piliers. Et ben ce hadith de Ibn Omar explique le hadith de Jibril. Et il explique que ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans le hadith de Jibril, ce sont uniquement les piliers de l'islam. Et c'est sur ça que l'islam a été bâti. Alors qu'il y a d'autres règles qui viennent compléter cette construction-là. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith qui est également authentique, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit, le musulman, c'est celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. C'est-à-dire, quand tu es un vrai musulman, tu vas pas dire rien de mal au sujet d'aucun musulman et tu vas pas les nuire ni avec ta langue ni avec ta main. Ça fait partie de l'islam également. فكل الطاعات سواء كانت واجبة أم مستحبة كلها من الإسلام. وتجنب كل المحرمات التي نهى الله عنها هو من الإسلام. فترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والغيبة والنميمة وكل ما نهى الله عنه تركه هو الإسلام. ولكن هذه الخمس هي دعائمه وما زاد عنها فإنه يكون متمما ومكملا لها. Donc le cheikh il dit toutes les obligations et les obéissances, peu importe qu'elles soient obligatoires ou recommandées, elles sont toutes de l'islam, elles font toute partie de l'islam, et de se détourner des interdictions que Allah nous a interdit de faire, ça fait partie de l'islam, hein, également. Comme par exemple d'abandonner l'azina, la fornication et l'adultère, as-sariqa, le vol, et de boire de l'alcool, de manger le riba, hein, l'intérêt, al-riba wa namima, de parler dans le dos des gens et de répandre des rumeurs, hein. Tout ça, ça a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et, yani, de l'abandonner, ça fait partie de l'islam également. Mais, par contre, les cinq piliers qu'on a mentionnés, ça c'est des piliers, des fondements de l'islam. Et, ce qui est ajouté à ces cinq piliers-là, eh ben, c'est uniquement pour compléter et parfaire, cet islam. D'accord? Donc, il dit ensuite, وهذه الأركان الخمسة ذكرها الله في القرآن في آيات كثيرة. Donc il dit que ces piliers-là sont mentionnés dans le Coran dans plusieurs versets. Il dit أما القرآن أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا كثير في القرآن. كل الآيات التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك فإنها في تحقيق الركن الأول وكل الآيات التي توجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتثبت رسالته فإنها تدخل أيضا في تحقيق الركن الأول. الشيخ الزي étant donné que c'est des cours qui sont des cours basés sur le Coran al-Karim, tirés du Coran al-Karim, et là il va nous montrer les versets dans le Coran qui parlent et qui prouvent chacun de ces piliers-là dans l'islam. Donc il dit par exemple, dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui ordonnent le tawhid. Hein, tous les versets qui ordonnent aux gens le tawhid et qui interdit aux gens de commettre le shirk, donc ça c'est pour compléter et pour confirmer le premier pilier. Et tous les versets qui ordonnent de suivre et d'obéir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui confirme ça, le fait qu'il est envoyé aux hommes, alors ces versets-là rentrent également dans ce premier pilier-là qui est Shahadatun la ilaha illallah wa Shahadatun anna Muhammad rasulullah. Et il donne des versets, comme par exemple min dhalika qawluhu ta'ala ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ô, oh, vous les hommes, adorez votre Seigneur et celui qui est, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous. Et dans un autre verset, il dit, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Et votre Dieu, hein, celui que vous adorez, est une seule divinité. Une divinité unique. Et il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré, excepté lui, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ensuite, il dit, وَقَوْلُهُ فَدْعُوهُ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. قَوْلُهُ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, malgré que cela déplaise aux mécréants. Hein? Et après, il mentionne le cheikh, il dit, إِلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَأْمُرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَتَنْهَى عَنِ الْإِشْرَاكِ بِهِ. Et ainsi que tous les autres versets qui ordonnent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui interdit de commettre le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chef à la suite dit, وَمِنَ الْآيَاتِ أَلَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Et parmi les preuves qui prouvent que le shahada, on doit faire le shahada de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs versets dans le Coran. Hein? Comme il y en a parmi les gens d'égarement, il y en a parmi les égarés qui se disent Coraniyoun, qui se disent nous on suit seulement le Coran, on suit seulement le Coran parce qu'on est convaincu, tandis que la Sunna on ne la suit pas. Eh bien, yani, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Donc ça, c'est une réfutation pour ces gens-là. Donc il y en a parmi ces égarés-là qui disent, nous on dit seulement la ilaha illallah, on ne dit pas Muhammad Rasulullah. Donc ça, c'est un exemple de kufr, yani de la part de ces gens-là. Et le cheikh, il explique, il donne des preuves de Muhammad Rasulullah dans le Coran. Il dit, wa qawluhu ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا si vous êtes dans le doute au sujet de ce qu'on a fait descendre sur notre serviteur, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé son serviteur, فَتَثْبُتُ مُعْجِزَةُ رِسَالَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ et ça prouve qu'il a reçu une révélation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait descendre sur son serviteur quelque chose. Donc c'est un messager, c'est un prophète. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا donc que béni soit celui qui a fait descendre al-furqan, c'est-à-dire le discernement, et ça c'est al-Qur'an, le discernement, qu'est-ce qui discerne entre la vérité et le mensonge, c'est le Qur'an, c'est-à-dire que Allah est celui qui a fait descendre al-furqan sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Donc ça, c'est une preuve qu'il est un avertisseur et qu'il a été envoyé pour les mondes et qu'il a reçu une révélation, hein, qui est Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran. Et un autre verset que le cheikh mentionne qui est Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Donc il mentionne ce verset qui est dans Sourate Al-Kahf qui dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre et qui n'a mis aucune tortuosité dedans. Donc tout est clair dans ce livre. Après le cheikh il dit, ayyuha rasoul, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ô toi le messager. Hein? Donc Allah il a appelé son messager. Et après il dit, wa qawluhu ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم n'était le père d'aucun d'entre vos hommes, mais par contre, il est le messager d'Allah et le dernier des messagers, le dernier des prophètes. خاتم النبيين. Il vient sceller la prophétie. وقوله محمد رسول الله محمد إلى مساجد الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح verset 29 الله سبحانه وتعالى يذكر معك محمد صلى الله عليه وسلم إلى مساجد الله وقوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله سبحانه وتعالى يقول et voici les versets que nous te récitons en toute vérité et certes tu es parmi les messagers. وقوله يا أيها المزمل يا أيها المدثر كلها خطابات للنبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رسالته عليه الصلاة والسلام. Tous ces versets-là montrent que Allah سبحانه وتعالى s'est adressé, a envoyé son message au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et qu'il est un messager envoyé par lui. Ensuite il dit وكذلك قوله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ Le Cheikh, il mentionne ce verset dans lequel Allah SWT dit, certes, on t'a envoyé avec la vérité comme avertisseur et annonciateur d'une bonne nouvelle. Et on ne te demandera pas au sujet des gens de l'enfer. وَقَوْلُهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ Et on a, certes, nous vous avons envoyé un messager, pour vous. Hein. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Hein, le cheikh il mentionne ce verset qui dit et voilà, c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation du juste milieu, une des meilleures nations, la meilleure nation pour que vous soyez témoins pour les hommes et que le messager soit un témoin contre vous يعني contre pour vous. Après dit وقوله إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Le cheikh il dit le verset dans lequel Allah dit nous t'avons envoyé témoin comme témoin et annonciateur et avertisseur et comme un da'ya, quelqu'un qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala avec par sa permission et une lanterne éclairante. Donc ça c'est clair. Et après le cheikh il dit au kullu hadhihi al-ayat fiha ithbat ar-risala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous ces versets, il y a l'affirmation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message venant d'Allah. Après il dit وكذلك الامر بطاعته من يطع الرسول فقد اطاع الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il a également ordonné aux hommes d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, celui qui obéit au messager, alors il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui dit, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez au messager pour que vous soyez, dans le but qu'on vous fasse miséricorde. Et également un autre verset qui dit, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et si vous obéissez au messager, certes vous serez bien guidé. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous l'obéissez, vous allez être bien guidé. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et il n'advient que, ou bien c'est le messager, son rôle c'est, ou son devoir c'est uniquement de transmettre clairement le message. Hein? C'est ça son premier devoir. فهذه الآيات وغيرها في الركن الأول بجزئية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc il dit que ça c'est les versets qui montrent, et il y en a beaucoup d'autres. Il dit que ce sont les versets qui expliquent le premier pilier avec ces deux parties. On sait que le premier shahada, ou le premier point, eh ben, il a deux shahada, il a deux parties, c'est shahadatun la ilaha illallah, ça c'est la première, et shahadatun Muhammad Rasulullah, ça c'est la deuxième partie du shahadatain. Après le shaykh dit, فالآيات التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له معناها شهادة أن لا إله إلا الله. Donc les versets qui ordonnent aux gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et de ne rien lui associer, hein, ça, leur signification c'est de témoigner de la ilaha illallah. والآيات التي تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتأمر باتباعه والاقتداء به فهي في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et tous les versets qui affirment et qui attestent du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ça, c'est un ordre et un commandement de suivre et de se baser sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie de dire le shahada de Mohammed Rasulullah. هذا هو الركن الأول وهو أصل وهو أصل الدين وأساسه. Voilà le premier pilier et c'est la base de la religion et son fondement. يَقُومُ عَلَيْهِ الدِّينُ كُلُّهُ. C'est sur ça que repose toute la religion. لَا يَقُومُ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Donc le cheikh il dit que l'islam n'existe pas, il n'est pas établi, et non plus la foi, tant qu'on n'a pas établi et respecté ce premier pilier-là, qui est le shahada de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un, par exemple, qui n'a pas appliqué ces deux piliers-là, commence à faire le jeûne, hein, il n'a pas respecté ces piliers de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et bien même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il fait le hajj, même s'il répète le shahadatain constamment, même s'il fait des dhikr, même s'il fait yani, tout ce qui est ordonné. Et même s'il s'éloigne de tous les péchés, et qu'il ne fait pas le zina, et qu'il ne fait pas le roi de l'alcool, et qu'il ne, également, il ne tue pas, il ne ment pas, il fait aucun de ces péchés-là, et bien même s'il s'éloigne de toutes ces interdictions-là, et qu'il n'a pas appliqué le tawhid, le shahadatayn, et bien tout ce qu'il fait est nul, sans aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à expliquer. Et c'est ça qu'on a expliqué depuis le début de ce livre. Walhamdulillah. Après, le cheikh, il dit, wa hadha ruknu, makata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yad'u ilayhi fi makkata 13 sanatan ba'd al-bi'tha. Donc, le cheikh, il dit que ce pilier-là, en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté et a continué pendant 13 ans à appeler les gens à accepter ce premier pilier-là. 13 ans à dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est contrairement à ceux qui pensent que on peut apprendre le tawhid en 5 minutes. Hein, comme Salman al-Ouda qui a dit, on peut apprendre le tawhid en 5 minutes. Quand on a posé cette question au Cheikh Al-Fawzan, il a dit, il y a des gens qui prétendent qu'on peut apprendre le tawhid en 5 minutes. Cheikh Al-Fawzan, il s'est moqué. Il a dit, subhanallah, c'est bien ça. Hein, on peut apprendre le fiqh en 5 minutes, hadith en 5 minutes, tawhid en 5 minutes. Hein, et donc, en 30 minutes, tu deviens un alim. Hein, tu deviens un alim de la Ummah. Donc ça, c'est une compréhension totalement erronée de qu'est-ce que signifie réellement comprendre le tawhid. D'accord? Donc, Allah al-Musta'an. Tayyib. Donc, ça m'a fait plaisir. Et puis, je ne sais pas si vous avez reçu un message au sujet de comment enlever les annonces publicitaires dans le Paltok. Il y a un frère qui a envoyé le message hier. J'ai essayé de le donner à tous les autres frères, mais alhamdoulilah, c'est vraiment ça fonctionne, mashallah. On n'est plus embêté par toutes ces publicités là. Puis je voulais juste vous dire également en même temps de faire attention au sujet de salafi.dk. Souvent, vous avez entendu tous la nouvelle. Yani, la personne qui s'occupait de ce site, elle a dévié. Elle est rendue maintenant avec les gens de Bid'ah, les gens de Soufia et Ash'ara et de Maturidiyah. Donc, yani, Allah al-Musta'an. Yani, que Allah nous protège de l'égarement de ce genre. Et puis il y a un autre site qui a été remplacé, qui remplace ce site-là, c'est salafi.be. Il n'y a pas encore les sites francophones dedans, je crois, mais inshallah probablement qu'ils vont être ajoutés, bi'ithnillah. En tout cas, que Allah nous donne al-thabat ala al-haq. Et puis c'est désolant, mais alhamdulillah, d'un certain sens, il a mis des textes d'égarement dans son site, mais il les a mis uniquement en anglais, donc pour les francophones, ça n'a pas causé tant de problèmes, inshallah. Mais c'est la même shubha, c'est les mêmes shubha que les shubhat des ahbash. Donc dites-vous ça. Et c'est un anglophone de Washington, je pense qu'il est d'origine de Washington, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Noor Hamim Keller. Et c'est lui qui prêche cette da'wah, de taqlid a'ma, qu'il faut suivre aveuglément le madhhab shafi'i, et qui ordonne les gens de suivre l'ash'ariya, la aqida des ash'aira, et des choses de ce genre. Donc les gens de bid'ah, ils combattent la sunnah. Donc Allah nous protège de ces égarements-là. Et puis donc on va se laisser là-dessus, inshallah. Et puis on va... On va se revoir, Inch'Allah, à la même heure la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est la première fois que je donne le dars ici. Là, je suis pas à la maison, je suis à la mosquée. Parce que, alhamdoulilah, on m'a offert un poste d'imam. à la mosquée Dar al-Arqam à Montréal. Donc depuis une semaine, je suis à la mosquée. Donc c'est la première fois que je me donnais le dars ici. C'est pour ça que je suis pas encore à l'aise complètement, dans le sens que les instruments, puis l'ordinateur, puis le téléphone, qui je suis pas encore organisé. Mais inchallah, ça s'est bien passé. Donc je vous remercie. Barakallahu fikoum. On va se laisser là-dessus, puis on se revoit, inshallah, ou bien on se retrouve la semaine prochaine, même heure, dans cette salle, inshallah. Donc on va se revoir. Bienvenue. Je vais essayer de rajouter un cours, comme j'avais dit la semaine passée. Tandis que je suis à la mosquée maintenant, j'ai quitté mon autre job là, donc je suis libre. J'ai mon temps seulement pour le din, inshallah. Peut-être on pourra faire un dars, peut-être juste pour les sœurs ou les frères et les sœurs, mais des sujets qui concernent plus en particulier les femmes. On verra, inshallah, qu'est-ce qu'on pourra faire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.